Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Devenir riche, très riche, eh bien il est peut-être temps d'investir dès aujourd'hui dans une société de minage d'astéroïdes. La NASA prévoit que cette activité puisse générer 1 million de fois le PIB mondial. Quel temps pour votre week-end et quelle météo pour le soleil? Notre astre passe par des cycles d'activité d'une dizaine d'années. Il est essentiel de les prévoir car cela a une influence sur les satellites en orbite. Essentiel, mais encore très compliqué. Et enfin, la bonne nouvelle de la semaine, une nouvelle espèce de coanoflagellé a été découverte. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Patience, nous allons y remédier. Minage spatial, météo solaire et coano-flagellé, c'est le programme garni qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et eux non plus, figurez-vous, pour la plupart en tout cas, ne savent pas ce qu'est un coano-flagellé pour encore quelques minutes. Mais soyez patients car le savoir va, comme à chaque fois que vous écoutez la méthode scientifique, vous envelopper dans son doux manteau, notamment grâce à l'exposé d'ici donc une quarantaine de minutes de Pierre Kerner. Bonjour. Bonjour. Du site Strange Stuff and Funky Things, vous allez donc nous expliquer ce que sont ces coano-flagellés, et quant aux autres qui sont comme moi jusqu'à présent néophytes. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. J'ignore tout du coano. Flagellé, oui, mais ça ne va pas durer. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir, ainsi que rédacteur en chef de la version junior, le magazine Hashtag Science. Et bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Vous savez pas non plus ce qu'est un coano flagellé, vous pouvez pas. Le dire à nos auditeurs. Bien, ça va. On va remédier donc du magazine Science et Vie. Elle, c'est tout de l'actualité scientifique. Absolument tout, sauf ce qu'est un coano flagellé. C'est faux. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, la France a été condamnée hier par la justice européenne pour le non-respect des seuils de pollution de l'air. Et en particulier pour le dépassement des normes du taux d'émission de dioxyde d'azote. La Cour de justice de l'Union européenne parle d'un dépassement systématique et persistant de ses limites depuis maintenant 10 ans. La France a déjà reçu plusieurs avertissements de l'Europe, 6 mises en demeure depuis 2009. Cette pollution de l'air au dioxyde d'azote concerne 12 agglomérations, dont les villes de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, mais aussi la vallée de l'Arve dans les Alpes. La Cour de justice demande un plan d'action rapide et efficace pour réduire le plus vite possible ces émissions et pour protéger les citoyens français. Si rien n'est fait, le pays risque une amende de 11 millions d'euros. Le dioxyde d'azote, le NO2, est considéré comme l'un des polluants majeurs de l'atmosphère. Pierre Pernaud est ingénieur à Air Paris, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en région parisienne. Pourquoi on considère que c'est un des polluants majeurs de notre air? Tout simplement parce que, par exemple, en Ile-de-France, c'est le polluant le plus préoccupant au regard des dépassements des valeurs limites, puisqu'on a 1 million de Franciliens qui respirent un air qui est trop pollué en dioxyde d'azote. La directive européenne sur la qualité de l'air fixe une valeur limite de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle à ne pas dépasser. Il se trouve pour le dioxyde d'azote, la valeur limite fixée par l'Europe est la même que la recommandation fixée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a globalement une amélioration de la qualité de l'air et une diminution des niveaux de dioxyde d'azote, même si cette diminution elle n'est pas satisfaisante et suffisante puisqu'on dépasse encore les valeurs limites. En bref, selon le rapport de l'organisation internationale Break Free from Plastic, qui a été publié mercredi, seules quelques multinationales sont responsables de la pollution plastique mondiale. Avec au premier rang Coca-Cola, avec cette année près de 12 000 déchets plastiques collectés dans 37 pays sur 4 continents. Nestlé est le deuxième plus gros pollueur, suivi par PepsiCo. Alors Break Free from Plastic est une coalition qui regroupe plus de 1400 ONG. Elle affirme que le recyclage ne résoudra pas le problème. Selon ce rapport, seulement 9% de la production plastique mondiale mondiale a été recyclée depuis les années 50. Elle demande aux multinationales de cesser de faire porter la responsabilité aux consommateurs et de réduire drastiquement et urgemment leur production de plastique à usage unique. Deuxième sujet de ce journal avec la parution dans Science de la première cartographie mondiale des vers de terre. C'est un énorme travail qui a réuni 141 chercheurs de 35 nationalités. Ils ont récolté et analysé les données de près de 7000 sites sur 57 pays. Alors on connaît l'importance des vers de terre pour la santé des sols, comment ils participent à la circulation des nutriments, mais on n'avait jamais mesuré leur répartition, leur abondance, leur diversité, surtout les menaces qui passent sur eux. L'étude confirme plusieurs hypothèses. Plus la région est tempérée, plus on y trouve un grand nombre de lombriques, environ 150 par mètre carré en moyenne. Et c'est sous les tropiques que la diversité des espèces est la plus forte. Ces travaux déjouent aussi une idée reçue, la qualité du sol n'est pas le facteur le plus important pour l'abondance et la diversité des vers de terre. En revanche, ce qui est capital, ce sont les variations climatiques. Jean-François Ponge est professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il est co-signataire de cette étude. Tout le monde connaît les vers de terre. On sait qu'un sol riche va abriter beaucoup de vers de terre. Par contre, ce qu'on ne connaissait pas du tout, ce qu'on n'avait pas pu démontrer avec des tests scientifiques, c'est l'importance du climat. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est de savoir, avec le réchauffement climatique actuel, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de vers de terre. Bon, le climat se réchauffe. On sait que ça va entraîner, disons, des variations au niveau de l'humidité, parce que le climat se réchauffe, oui, mais la pluie, elle ne suit pas forcément. Si on se réfère à cette étude-là, on peut dire que là où le climat se réchauffe, eh bien, on va avoir une abondance moindre des vers de terre. Et ça peut avoir un impact négatif sur la qualité des sols. Parce que les vers de terre, ils se développent dans un sol riche, mais ils contribuent aussi à l'enrichir, ce sol. C'est ce qu'on appelle un feedback positif. Donc, s'il y a moins de vers de terre, à cause d'une température plus élevée, eh bien, on risque d'avoir des problèmes au niveau de la fertilité des sols. Mais là, actuellement, à partir de cette étude, on peut avoir de fortes chances de penser que les vers de terre, eh ben, ça va pas être bien pour eux avec l'évolution actuelle du climat. Voilà, encore un autre argument de plus pour dire, halte là, il va falloir faire quelque chose. En bref, les futurs projets de l'Agence spatiale européenne sont actuellement en débat. L'ESA invite les chercheurs à présenter leur idée pour Voyage 2050, un programme de mission d'une durée de 20 ans qui débutera en 2035. La semaine prochaine, un comité se réunira pour discuter des propositions. Il y en a déjà une centaine, de nombreuses sont dédiées aux sciences des exoplanètes, dont les projets également à partir à la recherche d'échantillons de Vénus ou s'associer avec la NASA pour envoyer une sonde sur Uranus et Neptune. U2, le rover chinois, a fait la découverte en août d'une substance étrange et gélatineuse sur la face cachée de la Lune. Ce ne serait en fait qu'un simple rocher. Et ce sont les conclusions d'une enquête parue dans la revue Space qui a examiné les dernières photographies de cette substance dite mystérieuse. Ce serait plus précisément un ver d'impact, c'est-à-dire ce qui se forme lors d'un impact avec un météorite. Ça expliquerait aussi son apparence brillante. Il s'agit d'un matériau assez similaire à ce que les astronautes de la mission Apollo 17 avaient déjà découvert. Et cette semaine, dans le journal des sciences, nous avons parlé notamment des tremblements de tempête, d'un nouvel outil d'édition génétique plus performant que CRISPR-Cas9, des questions éthiques liées aux organoïdes cérébraux, et nous avons dégonflé l'effet d'annonce d'un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer, mais cette semaine également dans l'actualité des sciences, Natacha, et en ultra bref. Lors de l'actuel congrès astronautique international de Washington, ArianeSpace a annoncé que Ariane 6 pourrait participer à l'aventure lunaire. L'agence envisage de faire voler sa nouvelle fusée vers la Lune pour de transport de matériel d'ici 2023. En 2018, en Arctique, il n'y a eu aucune reproduction sur l'ensemble de la faune et de la flore. En cause, une trop forte chute de neige empêchant toute reproduction. C'est sans équivoque et les conséquences sur les écosystèmes de la région sont graves. Et la 15e édition du festival Paris Science commence aujourd'hui et se tient jusqu'à mercredi prochain. L'événement est gratuit et la programmation est riche d'une cinquantaine de documentaires scientifiques de tout format. Les détails sont à retrouver sur le site parisscience.fr. Et enfin, les chercheurs du CNRS ont percé un mystère. Pourquoi n'y a-t-il pas d'embouteillage chez les fourmis? Contrairement à nos bouchons d'autoroute, le flux des fourmis est toujours constant et ne connaît aucun ralentissement. Si le trafic devient trop dense, elles changent de route. De cette façon, on compte toujours 18 fourmis par centimètre carré. Et pour finir, comme chaque semaine, on termine ce journal par la rubrique des sciences improbables. Et dans la revue Behavioral Brain, des neurologues américains ont appris à des rats à conduire de petites voitures et c'est très charmant. C'est très charmant. Ils sont dans une grosse boîte, hein. Une vingtaine de rats ont appris à conduire des véhicules électriques pour récupérer de la nourriture. Alors pour se guider, ils ont appris à utiliser un grillage en cuivre qui indique la direction. Et l'expérience prouve, une fois de plus, que la neuroplasticité du cerveau des rats est plus flexible qu'on ne pensait. Et autre surprise, les chercheurs se sont aperçus que cette activité, l'apprentissage de la conduite, réduisait leur niveau de stress. Contrairement aux humains. Voilà. Vous pouvez voir sur le fil Twitter de la méthode FC, les vidéos de l'expérience sont étrangement réjouissantes. Oui, c'est très, très bien pour se détendre avant de prendre le volant. Merci Natacha pour ce journal des sciences que vous pouvez retrouver évidemment comme tous les autres journaux des sciences sur notre site franceculture.fr ainsi que sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Peut-être une réaction bien à ce qui a été dit dans ce journal des sciences mais aussi au sujet de l'actualité scientifique de la semaine. Peut-être Pierre sur vous qui aimez les petites créatures un peu étranges sur des fers de terre. Bah oui, sur les annélides en effet c'est quand même assez important de faire ce constat de la biodiversité des annélides, notamment parce que certaines espèces sont à l'heure actuelle mises en danger par l'introduction d'espèces invasives. Je pense notamment à cet autre ver platelminthe bipallium qui justement s'attaque dans nos contrées en France sur la plupart des espèces de lombrics. Donc de pouvoir faire un constat de cette biodiversité est fondamental. On va revenir également sur les grandes annonces cette semaine, notamment Olivier, peut-être sur cette annonce par Google, publication dans Nature, de la suprématie quantique. On en a beaucoup parlé. Alors évidemment, c'est toujours la guerre entre Google et IBM quant à savoir si cette suprématie quantique a été atteinte ou non. En tout cas, c'est un pas de plus vers l'ordinateur quantique. C'est vrai que malgré la publication de l'article de Google dans la presse scientifique spécialisée, il demeure une suspicion. Alors non, pas de fraude, hein, pas du tout, puisque le papier existe et il explique bien la démarche de Google, mais est-ce que ils ont tiré un peu vite? Est-ce que c'est un petit buzz qui est entretenu par le géant de Mountain View? C'est d'autant plus vrai que la première annonce liée à l'émergence de cet ordinateur quantique par Google, elle avait fuité il y a à peu près un mois. Ça avait été publié, dépublié dans la foulée. Le New York Times avait quand même eu le temps. C'est le Financial Times. Oui, on avait fait une émission ici pour en parler suite à cette fuite. Et donc, cette annonce, ce retrait, tout ça est un petit peu bizarroïde. Ce que dit aujourd'hui IBM, qui, il y a à peu près un an ou un an et demi, avait lui-même fait une annonce fracassante dans le domaine de l'ordinateur quantique en proposant aux internautes de tester un de leurs dispositifs qui était sur un serveur dématérialisé, mais qui était un fonctionnement quantique et qui permettait de faire des calculs ultra rapidement, et qui était donc à l'usage libre des internautes, dit aujourd'hui Google va trop vite puisque nous on arrive à faire le même type de calcul dans un temps certes important, c'est de l'ordre de 2 jours je crois, mais ça n'a rien à voir avec les temps qui sont... Généralement on dit un ordinateur quantique peut faire en quelques microsecondes ce qu'un ordinateur normal prendrait comme temps ce qu'il y a d'atomes dans l'univers. Ouais. C'est souvent dans le papier, en l'occurrence, pour l'opération, l'algorithme qui a été lancé par Google, c'est 3 minutes 20 pour une opération qui prendrait 100 000 ans normalement. Ouais. Et donc IBM dit, nous on arrive quand même à faire aussi bien avec un ordinateur lambda qui va travailler pendant 2 jours. Mais ça veut dire que les capacités de Google sont pas de l'ordre de l'ordinateur quantique. Ils ont pas la suprématie quantique, comme il affirme. Pour reprendre une autre expression consacrée dans ces domaines-là. Mathilde, là-dessus? Oui, c'est vrai que atteindre la suprématie quantique, c'est posé comme un jalon. On l'attendait, c'était annoncé comme la grande étape qui allait nous amener progressivement vers l'ordinateur quantique. Mais il faut se rappeler que l'ordinateur quantique, ça va être utilisé dans un premier temps, dans un premier temps et pendant un petit moment, pour faire des calculs différents des calculs qui sont menés par les ordinateurs classiques. Donc finalement, cette comparaison de vitesse pour résoudre un problème n'est pas si pertinente que ça pour évaluer les capacités de l'ordinateur quantique. Ce qui compte, c'est que l'ordinateur quantique, c'est une nouvelle manière de calculer, à partir de laquelle vont être développés et sont déjà en train d'être développés de nouveaux logiciels et qui pourraient permettre de travailler des problèmes, de résoudre des problèmes, et notamment en physique des particules, qui sont pas du tout des problèmes qui sont accessibles aux ordinateurs classiques. C'est ça l'espoir, finalement. Donc. En physique des particules, on parle aussi en biologie, en pharmacie, notamment sur les problèmes de complexion des protéines. Ce sont des problèmes très très très complexes à résoudre. Voilà, sur tous les problèmes très complexes, on sait que l'ordinateur quantique pourrait produire une nouvelle science, vraiment une nouvelle science. Il ne s'agit pas de remplacer la tablette et le téléphone par un, qu'on a dans la poche par un ordinateur quantique. Ça a été un peu vendu comme ça, l'ordinateur quantique au début, et c'est une erreur. Aucun chercheur ne croit qu'on va remplacer notre téléphone par un ordinateur quantique. Par contre, il y a quand même de grandes chances que dans 10 ans, il y ait des calculateurs quantiques qui soient disponibles via Internet et qui puissent permettre à des laboratoires de recherche de mener des simulations inédites. Sur l'ordinateur quantique, quelque chose à ajouter, Olivier ? L'ordinateur quantique, il permettra effectivement de faire des opérations extrêmement rapidement, mais aussi inviolables. C'est notre valeur intrinsèque à cette technologie et qu'on ne peut pas atteindre avec le matériel classique. Donc on sait qu'il y a des secteurs d'activité comme les militaires, comme la finance, qui sont très demandeurs de ce type de propriété, l'inviolabilité. Et ils vont pousser pour que l'avènement de l'ordinateur quantique arrive le plus rapidement possible. Et avec ces développements récents, IBM il y a 1 an et demi, Google aujourd'hui, alors même si Google n'est pas au point où on pourrait penser qu'il soit, c'est quand même une étape de franchie. Et c'est vrai qu'on peut parier que d'ici un assez faible nombre d'années, peut-être dans 10 ans, on aura franchi une étape décisive dans l'ordinateur quantique. D'autres choses au menu de l'actualité scientifique de la semaine, peut-être Mathilde, cette étude qui montre que la fusion d'étoiles à neutrons peut produire des éléments plus lourds que ce qu'on attendait ou ce qu'on connaissait en tout cas jusqu'à présent en nucléosynthèse. Oui, c'est très intéressant et on découvre là vraiment un nouveau domaine depuis la première découverte de la fusion d'étoiles à neutrons qui a complètement confirmé un modèle qui existait théoriquement et qui visait à résoudre le grand problème de la nucléosynthèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit des noyaux d'atomes plus lourds que le fer. Hein. L'univers sait tout à fait bien produire spontanément après le Big Bang de l'hélium, de l'hydrogène, et ensuite assez facilement avec des explosions d'étoiles massives, des atomes un peu plus lourds. Mais il fallait un autre processus pour produire les atomes les plus lourds. Et on soupçonnait plusieurs choses, et plusieurs choses sont encore soupçonnées. Hein. Mais c'est vrai comme par exemple ce qu'on appelle les collapsars. Ce sont des étoiles très très massives qui s'effondrent d'une manière particulière et qui du coup atteignent cette énergie suffisante, cette densité de neutrons suffisante pour pouvoir bourrer un noyau d'atomes. Puisqu'en fait il s'agit de ça, hein. Il s'agit de remplir un noyau d'atomes de neutrons pour qu'il gonfle suffisamment rapidement avant qu'il se désintègre et former ces noyaux très lourds. Donc c'est vrai que c'est un domaine en pleine expansion depuis la découverte des étoiles à neutrons, de la fusion d'étoiles à neutrons grâce aux ondes gravitationnelles. Et les modèles sont maintenant, commencent à être contraints par ces observations. Et donc on est en train vraiment de découvrir comment est-ce que l'univers au départ en fait a donné naissance à tout un tas d'éléments lourds comme par exemple l'or, voilà, et tout un tas d'éléments lourds qui ont une importance énorme, hein, dans la structuration de notre univers, hein, puisque on ne sait pas exactement à quoi ressemblerait une planète sans éléments lourds par exemple. Un mot également aussi sur cette polémique qui a été lancée suite à bien la création d'organoïdes cérébraux et à se dire quelle est la limite que l'on doit fixer, la limite éthique pour ce type d'organoïde, jusqu'au moment où, puisqu'on voit qu'il présente une activité neuronale, alors ce n'est évidemment pas de la conscience au sens où on l'entend, mais il y a des états de conscience, ce sont des états de conscience très divers. Est-ce qu'il faut mettre, Pierre, à votre avis, tout de suite des barrières ? Je pense qu'en fait c'est une manière assez détournée de souligner l'importance de ces nouvelles technologies pour pouvoir servir à investiguer le vivant, c'est-à-dire de former des organoïdes, que ce soit des petits intestins, des petits reins, des organes à part entière qui sont développés en laboratoire, en culture. Et là, ce que semble souligner cette alarme, c'est tout simplement qu'on a passé un palier dans lequel l'organe qu'on étudie est de plus en plus ressemblant à celui d'un organisme vivant, d'un animal. Et bon, pour moi, par contre, cette sonnette d'alarme sonne un tout petit peu de manière cynique, puisque j'ai l'impression qu'on ferait plus attention à l'éthique des animaux, enfin des cérébroïdes cultivés en laboratoire que les animaux qui sont utilisés en laboratoire, voire des animaux domestiques. Donc il faut faire aussi attention à ne pas avoir deux poids, deux mesures. Olivier ? Les organoïdes, c'est une techno qui est toute récente. Hein. Elle a, je pense qu'elle a même pas 10 ans. Hein. Ça fait même pas 10 ans qu'on cultive comme ça des minuscules cerveaux, minuscules intestins, comme disait Pierre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à voir émerger des expériences un petit peu qui peuvent faire tiquer. On avait parlé à ce micro d'un chercheur en Californie qui utilisait des organoïdes qui prétendaient être de néandertaliens pour animer des petits robots en forme de crabe, je sais pas si vous vous souvenez de ça, si, oui. Nicolas. Et c'était une expérience que lui essaie de justifier de façon, comment dirais-je, assez raisonnable de son point de vue, mais qui, vu de l'extérieur, peut faire frémir. Donc que des avertissements comme cela puissent intervenir maintenant, alors que c'est une techno, encore une fois, qui est relativement émergente, il vaut mieux que ça soit maintenant plutôt que d'attendre encore quelques années et qu'on ait franchi des paliers qui soient un petit peu trop tardifs. Et puis peut-être aussi un dernier mot, on en a parlé hier dans le Journal des Sciences avec Natacha. C'est quelque chose dont on se méfie toujours beaucoup ici, de ces annonces à grand fracas de la nouvelle commercialisation de ce médicament de la part du laboratoire Biogen pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, avec une fois de plus des résultats qui ne sont pas sortis d'études publiées, en disant bien finalement on avait arrêté nos essais cliniques, mais quand on a regardé les résultats, on s'est rendu compte que dans un sous-groupe, et bien il y avait avec à des doses plus fortes des résultats encourageants. Moi, ce qui m'interroge toujours dans ces cas-là, c'est vraiment le danger de la communication non scientifique, ou en tout cas des effets de communication avec l'entraînement qu'il peut y avoir dans les médias généralistes derrière. Alors là, il y a quand même le labo qui argumente, qui dit que finalement, dans ces essais de phase 3 inachevés, ils ont abouti à des résultats qu'ils ont jugés significatifs. Je dirais que s'agissant d'Alzheimer et s'agissant du traitement d'Alzheimer, pour l'instant on n'a aucun traitement. Les mauvaises nouvelles se sont tellement amoncelées ces dernières années avec le retrait successif de plusieurs médicaments putatifs que la moindre bonne petite nouvelle, ça vaut le coup quand même d'y regarder de plus près. Alors ensuite, évidemment, c'est à nous les médias de les exposer avec précaution, c'est ce que vous faites Nicolas à chaque fois. Mais effectivement, on peut espérer que ça fasse pas boule de neige. Il faut bien le dire que c'est surtout qu'il faut relancer l'étude clinique complète, c'est-à-dire que plutôt que de se baser sur un sous-groupe de l'étude clinique de phase 3, moi je trouve ça toujours un peu dangereux ou un peu limite de dire on a réexaminé nos dossiers pour mettre un médicament sur le marché. C'est mon opinion, elle ne concerne que moi finalement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Eh bien, dans cette méthode scientifique consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, notre premier dossier du jour, que l'on pourrait sous-titrer « Qui veut gagner des millions ?». Tout le monde veut gagner des millions, Jean-Pierre, bien sûr. Et pour ça, rien de plus simple. Eh bien, si on en croit la NASA, l'extraction Mathilde Fontaine déjà effondrée, l'extraction minière spatiale pourrait générer des milliards de milliards de dollars. NASA, il s'était dit jusqu'à 1 million de fois le PIB mondial, donc c'est beaucoup d'argent. On peut dire que c'est beaucoup d'argent. D'où l'envoi à l'horizon 2022 d'une mission vers l'astéroïde Psyche 16 qui orbite entre Mars et Jupiter. Mais Mathilde, avant donc que ne pleuvent ces milliards de dollars sur nos têtes, il y a encore quand même quelques étapes assez importantes. Il y a encore pas mal d'étapes. En fait, on est parti de là. C'est vrai que la NASA a annoncé ça, mais en fait, c'était l'annonce de la mission Psyche qui a tout de suite été vendue par la NASA dans un communiqué de presse avec une évaluation du prix de cet astéroïde à donc des dizaines de milliards de dollars. Et ça nous a interpellés, mais pas que ça. Il y a eu aussi, depuis une dizaine d'années, beaucoup d'annonces un peu fracassantes de la part de l'agence spatiale chinoise lorsque la sonde Change One s'est posée en 2009 sur la Lune et a proposer une évaluation d'une quantité faramineuse d'hélium-3, un gaz qui pourrait révolutionner la production d'énergie sur Terre avec des potentialités commerciales énormes. Il y a eu la création d'énormément de start-up dont certaines financées par des grands de l'informatique ou comme Google par exemple. Il y a eu Planetary Ressources pour ne pas les citer. Avec James Cameron aussi, le réalisateur derrière. Exactement. Qui a mis des Donc on voit dedans. Bien qu'il y a un élan comme ça pour aller exploiter les ressources qui gravitent au-dessus de nos têtes, qui peuvent être potentiellement énormes. C'est vrai, on a la Lune tout près qui regorge de matériaux. On a également 800 000 astéroïdes géocroiseurs qui donc passent assez près de la Terre. Et puis ce qui nous a interpellé aussi, c'est ce petit accord qui a été fait entre Donald Trump et l'État du Luxembourg il y a quelques mois en vue d'une exploitation commerciale des astéroïdes. Donc ce petit accord-là, il s'agit en fait de quelque part de s'engouffrer dans une brèche du traité de l'espace, qui est un traité qui a été signé en 1967 par énormément de pays dans le monde et qui visait, donc on était en pleine guerre froide à l'époque, et ce traité-là visait à sécuriser d'un point de vue militaire l'espace. Donc il n'y a pas eu dans ce traité de clause qui concerne l'exploitation des ressources. Donc c'est, faut considérer actuellement l'espace comme une eau internationale où n'importe qui, elle n'appartient à personne, mais n'importe qui peut aller y pêcher ce qu'il veut et en est propriétaire à la fin et donc peut le vendre. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Premier servi, c'est un peu le Far West, c'est ce que disent les chercheurs, hein, disent qu'effectivement il y a une espèce de voilà de d'élan. Donc toutes ces startups sont en train de préparer des technologies, etc. Donc nous on s'est penché sur la question pour voir un peu à quel point c'était crédible tout ça, sachant que bah, pour une entreprise commerciale, on attend quand même des retours investissement qui sont pas de l'ordre d'une centaine d'années, mais plutôt d'une dizaine. Et donc en fait, on est revenu de cette enquête un peu étonné. Quand même, l'ampleur de la tâche reste énorme. À tel point qu'en fait, on ne sait même pas si ces ressources existent. C'est la première chose qui nous a été répondue par les chercheurs. C'est Patrick Michel, un des grands spécialistes des astéroïdes et des petits corps, qui a travaillé sur toutes les missions, sur la mission Hayabusa japonaise, sur la mission Osiris-Rex qui est actuellement en cours américaine, et qui nous a tout de suite prévenu. Il nous a dit, mais il faut se rappeler qu'on a pour l'instant que 1 mg d'astéroïdes sur Terre. 1 mg, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a pu analyser avec précision. Le reste... Qui revient de quelle mission ? Qui revient de la mission Hayabusa, la mission Hayabusa 1. Donc on va avoir d'autres échantillons qui vont revenir avec les missions Hayabusa 2 et Osiris-Rex dans quelques mois et quelques années. Mais en attendant, on n'a que ça. Et en fait, toutes les autres mesures qu'on peut avoir de la composition des astéroïdes qui gravitent près de nous, ce sont des mesures à distance, bon, qui sont réalisées avec précaution, mais qui sont en fait extrêmement faibles, puisque ces corps sont très noirs, on arrive très peu à les voir, et donc en fait tout ça après, ce sont des modèles derrière qui sont faits pour essayer de évaluer à partir de la couleur de la surface, hein, de la couleur spectrale de la surface, la composition des astéroïdes. Mais alors déjà, effectivement, ce qu'on a ramené d'Hayabusa, qu'est-ce qu'on a ramené en fait ? Il y a des métaux précieux justement, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de valorisable ? Alors dans le milligramme, il y a de l'olivine, du pyroxène, enfin rien que des matériaux très très très communs sur Terre et qui sont absolument pas précieux. Alors il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait effectivement jusque là, il y a eu aucun astéroïde de visité qui ne soit pas un astéroïde rocheux, c'est-à-dire un astéroïde finalement le moins intéressant pour l'exploitation potentielle. On sait que ce sera plus difficile d'aller voir des astéroïdes de type métallique. Comme Psyché, par exemple. Ceux dont on espère qu'ils pourraient contenir, parce qu'on n'a pas parlé des ressources, mais évidemment, ceux qui pourraient contenir de l'or, du platine, des terres rares, etc. Donc des matériaux qui pourraient être commercialement intéressants de ramener sur Terre. Et justement, la NASA a une idée un peu précise pour faire cette estimation de ce qu'il y a exactement. Psyché, ce serait un bloc de métal de 226 kilomètres de diamètre. C'est ça, et non, en fait, enfin, il nous a été... Ils ont fait en fait un modèle tout bête à partir des modèles théoriques en fait de composition des astéroïdes, et ils ont chiffré ça au prix actuel des ressources sur Terre. Ils ont pris le cours de la bourse et puis non, mais voilà. Donc, c'est une estimation très sérieuse en effet. Il s'agissait d'un chiffre de communiqué de presse qui a été proposé un peu pour donner une idée, pour faire rêver, mais qui n'est en aucun cas une évaluation sérieuse de. Et d'ailleurs les chercheurs qui font partie de cette mission qu'on a eu au téléphone, ils nous disent heureusement qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on y va. C'est pour savoir ce qu'il y a dedans qu'on y va. Donc, donc voilà. Et même sur la Lune, on a posé la question aussi. On s'est dit finalement. Pour l'hélium-3, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'hélium-3. L'hélium-3 et même d'autres métaux. On s'est dit, finalement, certes, les astéroïdes sont lointains, sont noirs, on n'arrive pas à les voir, etc. Mais la Lune, quand même, on y est allé. On a 382 kilos de roches qui ont été ramenés sur Terre. Mais en fait, finalement, on a un échantillonnage très faible de la composition de la Lune. On a une idée très floue des ressources potentielles de la Lune. Et cet hélium-3 qui serait présent sur la Lune, en fait, il serait présent sans doute de manière très diffuse, beaucoup moins concentré que l'or sur notre Terre, et donc du coup très difficile potentiellement à exploiter. Et c'est d'ailleurs la deuxième découverte que nous avons faite en menant cette enquête, c'est que certes, de nombreuses startups sont en train de travailler à des technologies d'exploitation sur la Lune ou sur les astéroïdes. Certes, par exemple, on a vu des développements très intéressants, par exemple de la possibilité de faire de l'impression 3D en microgravité ou ce genre de choses qui préfigure un petit peu une installation ou en tout cas une exploitation potentielle. Sauf qu'en fait, on en est encore très très loin. On est encore à 30, 50 ans avant de pouvoir vraiment exploiter, c'est-à-dire faire une petite usine sur un astéroïde ou sur la Lune. Sur la Lune, Le gros problème, ce sont les poussières qui sont vraiment hyper abrasives, qui ont posé problème lors des missions Apollo. Et on sait que une petite usine, toutes les technologies qui pourraient être amenées sur la Lune pourraient souffrir de ces poussières. Il y a également, évidemment, les chutes de température, les variations énormes. Dans les cratères dans lesquels on pourrait espérer, par exemple, recueillir certaines de ces ressources, la température peut baisser jusqu'à moins de 270 degrés, ce qui risque d'être un peu difficile pour les technos. Ça complique les choses, disons. Ça complique un peu. Mmh. Et puis, sur les astéroïdes, c'est encore pire, puisque là, on a carrément pas de gravité, donc il faut imaginer c'est un corps autour duquel on ne peut pas se mettre en orbite, il faut s'y accrocher, sauf que la plupart de ces corps sont extrêmement poreux, donc s'y accrocher, ça veut dire prendre le risque de les désagréger à partir du moment où on va presque les toucher. Y compris les astéroïdes en métal ? Alors les astéroïdes en métal sont censés être moins poreux, mais on a toujours pareil, on n'a encore aucune idée de ce qu'on va trouver là-bas. Donc c'est finalement un long chemin avant d'en arriver à une exploitation potentielle. Alors on voit bien que les scientifiques du coup profitent aussi de cet élan un peu commercial pour placer leur mission scientifique, puisque eux, ils ont encore plein de choses à découvrir sur les astéroïdes, hein, qui sont quand même l'une des briques fondamentales de formation des planètes et qui nous racontent le début du système solaire. Mais c'est vrai qu'on en est très loin. Et la possibilité éventuellement de capturer des astéroïdes pour les ramener, ça paraît plus technologiquement faisable, en tout cas dans l'état de nos connaissances et de nos savoirs technologiques. Alors pour ça, on a un recul, c'est que ça faisait partie de la mission qui avait été proposée par Obama, puisqu'Obama avait pris la décision de s'écarter, de ne pas orienter la NASA vers un objectif martien, ni de revenir sur la Lune comme ça a été le cas ensuite et avant. Et il avait pris la décision de s'attaquer aux astéroïdes pour faire un entraînement, en fait. Et donc, dans sa grande mission qu'il avait proposée, il y avait une étape de capture d'astéroïdes. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction assez violente quand même de la communauté scientifique et des scientifiques à la NASA pour répondre que clairement c'était vraiment presque de la SF, qu'on pouvait travailler sur ces sujets, que c'est intéressant de travailler ces sujets, mais que jamais ça n'allait être possible dans les 10-20 ans à venir. Donc ça, cette techno de... capturer un astéroïde, on n'y est pas du tout encore. Donc on ne peut pas capturer, miner c'est très compliqué, on ne sait pas de quoi sont faits les astéroïdes, donc le plan des milliards de milliards de milliards de brousoufs qui nous tombent dessus du ciel, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, mais il y a une chose qu'on pourrait aller collecter sur les astéroïdes ou sur la Lune, finalement, c'est l'eau. C'est la seule ressource crédible spatiale actuellement, enfin en tout cas dans les 10-20 ans à venir. Alors pourquoi l'eau ? Parce que d'une part c'est lourd à transporter, hein. On sait que le coût d'une mission spatiale est plombé par sa masse. Et en particulier par l'eau, notamment dans le cadre des missions habitées qui pourraient avoir lieu dans les années à venir. Il y a beaucoup d'annonces de missions d'installations sur la Lune, de missions habitées en orbite autour de la Lune, etc. Donc ça pourrait être utile d'aller chercher de l'eau, mais pas que pour ça, aussi pour alimenter les vaisseaux, puisqu'en fait, par hydrolyse, hein, tout simplement, dans l'eau, il y a H et cette H, cet hydrogène, c'est un carburant, en fait, pour faire fonctionner des navettes, des fusées. Et donc, on pourrait imaginer pouvoir exploiter l'eau et l'exploiter in situ. Et ça fait toute la différence, en fait. C'est ça qui rendrait le coût de l'exploitation presque crédible par rapport à celui d'aller exploiter la Lune et de ramener de l'or sur Terre pour ensuite le commercialiser sur Terre. Même de l'eau, ça a l'air aussi quand même très science-fictionnel. Un mot, une réaction, Olivier, Pierre ? Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut le faire sur la Lune, déjà, parce que si on peut trouver de l'eau sur la Lune, est-ce que ça nous permet d'envisager, justement, de ravitailler une station lunaire avec ce qui est local ? Il y a des études qui sont menées. Donc déjà, on en a trouvé de l'eau dans les cratères lunaires. Alors, on n'est pas sûr de sa forme exacte et il reste encore de nombreuses études pour pouvoir confirmer. Et on n'est absolument pas sûr qu'elle puisse être exploitable. Mais après, on peut... Il y a des études qui sont menées pour l'exploitation de l'eau sur la Lune et ce sera presque un prérequis obligatoire pour tous les projets de base permanente sur la Lune. On ne pourra pas faire autrement, quelque part. Du soleil, du soleil, ses reflets pleins les cheveux, les pieds nus comme un petit gueux. Du soleil, du soleil, du soleil, du soleil au beau milieu d'un ciel tout bleu. Je me promène sur la grande route et si je rate ma poésie, je réussirai sans doute 2-3 minutes de ma vie. Dieu du haut de sa tribune me dit tu as un cœur d'or, mais c'est là toute ta fortune, tu aimes bien coucher d'or. Ainsi traînant sans manière, à la façon d'un cri-cri, je me baigne dans la lumière de mon ami. le soleil, ses reflets pleins les cheveux, les pieds nus comme un petit gueux. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil au beau milieu d'un ciel tout bleu. Mon ami Pierrot que j'aime descend parfois de la lune, car il a bien de la peine. Annie Cordy dans la méthode scientifique, ce n'est pas la première fois et certainement pas la dernière du soleil, puisque c'est du soleil dont il va être question aujourd'hui, outre le fait qu'à nos latitudes, il a pour ainsi dire disparu pour les 6 prochains mois. Là-haut, il continue de briller et la communauté scientifique s'intéresse de près à ses variations d'activité parce que le soleil érupte et ses éruptions ont des répercussions très concrètes sur notre haute atmosphère qui peuvent aller dans le pire des cas jusqu'au blackout électrique qu'a connu le Québec en 1989. Mais prévoir la météo solaire, Olivier, eh bien c'est encore assez compliqué. C'est très compliqué, c'est une science là aussi qui est quand même assez récente puisque ça fait depuis 250 ans environ qu'on a déterminé qu'il y avait des cycles solaires, qu'on les étudie scientifiquement. Ces cycles solaires, ils durent en moyenne 11 ans, ça veut dire que ça peut se passer entre 8 et 14 ans selon les cas. Et il se manifeste notamment par l'apparition à la surface du soleil de taches solaires qui sont des points noirs qui vont alors au début d'une phase, et c'est ce qu'on connaît en ce moment par exemple... Quand on en est où là justement dans le cycle ? On en est à la fin du cycle 24, du 24e cycle, et on attend le début du 25e. Et ça se caractérise par cette quasi-disparition des taches solaires, de ces fameux points noirs, qui vont petit à petit réapparaître. Alors quand on les regarde, évidemment on ne peut pas les voir à l'œil nu, on peut rappeler une turbon de rappeler qu'il ne faut jamais regarder le soleil à l'œil nu. Mais avec un appareillage très particulier, les taches solaires, ça peut donner des images assez extraordinaires avec ces éruptions de matière. Les taches solaires, c'est quoi finalement ? C'est la sortie et la rentrée d'une ligne de champ magnétique du soleil, puisque le soleil fabrique en son cœur des un champ magnétique intense qui sort de sa surface au niveau donc des taches solaires et ces éruptions c'est très graphique. On va vous mettre évidemment quelques belles photos d'éjection de masse coronarienne. C'était dans le générique de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Absolument. Si les cinéphiles s'en souviennent, voilà, en 74. Ça non plus, ne vous le regardez pas directement avec les yeux si vous avez moins de 16 ans ou moins de 12 ans, je ne sais plus à combien c'était interdit. Bref, et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de prévoir ces cycles et d'anticiper l'activité solaire ? Alors pourquoi finalement les scientifiques ont du mal à répondre, et moi j'ai du mal à répondre à cette question aussi, mais de fait, on n'a pas réussi à mettre au point de modèles qui permettent de dire de façon précise quand ça commence, quand ça finit et quand se situe le maximum d'intensité. Alors ils essayent depuis... vous parliez tout à l'heure là dans le lancement de ce sujet du blackout de 89 au Canada. 89, ça a été un peu une date charnière puisque c'est à ce moment-là que la NASA et l'agence américaine d'observation atmosphérique et océanographique ont décidé de réunir un groupe d'études pour se concentrer sur cette météo solaire et essayer de définir le mieux possible le début, la fin des cycles. Ils ont fait ça donc pour le 24e cycle qui devait alors commencer et force est de constater qu'ils se sont assez largement plantés puisque ils avaient notamment déterminé que le début de cette phase devait intervenir dans les premiers mois de 2008, ça a été finalement en décembre 2009, que le nombre de taches noires au moment maximum du phénomène devait être, je crois, entre 140 et 170, il y en a eu 116. Enfin bon, ça a pas marché. Aujourd'hui, les scientifiques disent que c'est parce que assez largement, ils ont utilisé des méthodes statistiques. C'est-à-dire que je disais que c'est depuis en gros 1790 qu'on a une observation, qu'on a de la data, pour utiliser un mot qui est à la mode aujourd'hui aussi, qu'on a des données sur l'activité solaire. Et de façon statistique, à partir de toutes ces données du passé, on essaie de prévoir le présent. Et il y a un des scientifiques qui est interrogé dans l'article de Frank Daninos, qui est à lire dans le numéro de Science et Avenir qui est sorti hier, qui utilise une image pour expliquer la difficulté de travailler de la sorte. Il dit, c'est un petit peu comme si on essayait de déterminer la météo en regardant l'humidité qu'il y a sur le sol. Évidemment, ça marche pas, puisque c'est pas forcément qu'il a plu, ça peut être la rosée, ça peut être les inondations, tout ce qu'on veut. Et pourquoi est-ce que c'est si important de prévoir ces activités solaires? Elles ont une incidence directe sur la technologie humaine. Et prenons par exemple les satellites. Les satellites qui orbitent à 2000 km au-dessus de nos têtes à peu près à basse altitude. Quand le soleil est au minimum de son activité, il y a relativement peu d'ultraviolets qui vont être envoyés sur Terre. Et à ce moment-là, la haute atmosphère terrestre va être peu soumise à ces UV et du coup, elle a tendance à se contracter et à se refroidir. Ce qui fait que ces fameux satellites qui sont en basse altitude seront moins confrontés à cette haute atmosphère, ils sont moins freinés, et du coup, ils consomment moins de carburant. C'est plus facile de les maintenir en orbite. A contrario, les déchets spatiaux, on sait qu'on a mis malheureusement dans l'espace des quantités astronomiques de déchets. Nous en parlions il y a très peu de temps, une émission consacrée au trafic spatial. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Alors quand ces déchets pénètrent dans l'atmosphère de la Terre par friction, par combustion, ils disparaissent. Là, comme la fameuse haute atmosphère s'est contractée, et ben les débris ne sont plus à l'intérieur et ils demeurent. A contrario, quand le soleil est à un maximum d'activité, qu'il va balancer un maximum d'UV vers notre partout et notamment vers notre planète, la haute atmosphère va gonfler, va se dilater, va se réchauffer, et là ça devient un frein au bon fonctionnement des satellites. Mais vous l'avez dit aussi, l'activité solaire envoie sur Terre des perturbations qui seront de l'ordre de perturbations électromagnétiques qui vont mettre le bazar dans les dispositifs électroniques. C'est ça qui va provoquer des coupures, qui peut provoquer par exemple des coupures de courant monstrueuses comme celle qu'a connue le Québec. C'est une réalité aujourd'hui, comme dans ce film tout à fait dispensable avec Nicolas Cage qui s'appelait Prémonition, qu'une éjection de masse coronarienne un peu. C'est un très très mauvais film. Je suis pas fier de citer ce film en exemple. Alors moi je suis fier d'ailleurs, je l'ai pas vu du coup. C'était une éruption solaire qui grille la planète quoi, en gros. C'est un vrai souci que de savoir. C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent coller au maximum à la météo solaire, parce qu'effectivement on pourra adapter le tir. Après, une activité solaire monstrueuse ne va pas créer. Ça va créer de façon collatérale des dommages qui peuvent être très importants, parce qu'on voit bien dans notre société, dans la société contemporaine, si des réseaux d'électricité tombent en carafe, on est quand même très très mal. Mathilde Fonteuve. Oui, c'est un risque avec lequel on vit déjà, hein. Il faut se rendre compte que dans la Station Spatiale Internationale, les astronautes qui sont en orbite autour de notre Terre, ils ont le centre de contrôle qui s'occupe d'eux, est à l'affût des bouffées de rayonnement et de particules qui viennent du Soleil. Et quand il y a une éruption, on leur demande de se mettre dans une salle spécifique dans la Station Spatiale Internationale pour se protéger de ces particules qui peuvent être agressives. Il y a de nombreux satellites qui sont tombés en carafe parce qu'ils avaient été bombardés de particules solaires et que malgré tous les dispositifs technologiques de durcissement, etc., ou de redondance qui permettent d'éviter ça, sont quand même tombés en panne. Donc c'est déjà quelque chose qui perturbe. C'est un aléa avec lequel on vit, et effectivement, la prédiction de cet aléa est un énorme enjeu industriel et technologique. Et on comprend tout à fait pourquoi est-ce que c'est complexe par ailleurs. Enfin, il s'agit quand même de prévoir la météo solaire, la météo d'une espèce d'énorme machine qu'on connaît pas encore très bien. Enfin, on découvre tous les jours de nouvelles choses sur le Soleil. On l'observe de loin, mais on est loin de pouvoir sonder sa machinerie. On a des modèles, mais ils sont loin d'être précis et sûrs. Et donc, c'est un énorme défi que de pouvoir faire de la prédiction sur la météo solaire. Et quels sont les instruments justement dont on dispose, et quels sont les prochains instruments qui devraient nous permettre, Olivier, d'affiner un peu justement cette météo solaire? Alors on a des sondes qui orbitent autour du Soleil et qui permettent justement d'engranger de nouvelles données, et justement on a de nouveaux modèles qui permettent, qui peuvent être alimentés quasiment en temps réel par ces données venues du Soleil. Et on a deux scientifiques, dont Lorraine Jouve, qui explique dans le papier de Sciences et Avenir, Lorraine Jouve qui travaille à Toulouse, qui explique comment, avec un modèle comme celui-là, qui explicite un petit peu cet effet dynamo du Soleil, comment en l'alimentant en temps réel avec les données qui viennent de la sonde NSO par exemple, comment on peut avoir une perception un peu plus fine des phénomènes, ce qui leur permet de pronostiquer l'avènement du prochain cycle, le fameux 25e cycle. Pour eux, pour cette équipe de Toulouse, grâce à son modèle, ils osent affirmer, ils osent faire un pronostic assez fin, puisqu'ils disent que c'est en mai 2024 que doit se passer le maximum de la prochaine phase solaire. Alors, qui sera un maximum? Est-ce que c'est une prévision certaine cette fois-ci? Alors, elle l'est pas certaine, mais ils donnent l'impression que grâce à leur modèle, ils sont c'est un petit peu plus affiné. Et puis la communauté internationale et la force de frappe qui est animée par la NASA et la NOAA dont je parlais tout à l'heure propose une fourchette qui n'est pas aussi fine que celle des Français, mais qui va graviter autour. Entre 2023 et 2026. Voilà, ouais. Il parle de 2023 et 2026. En tout cas, il y a quelque chose sur laquelle la communauté internationale qui s'occupe de cette question semble d'accord, c'est que le prochain cycle solaire, le 25e, sera, à l'instar du 24e, celui qu'on est en train de terminer, assez faiblard. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous nos projets d'exploration spatiale, hein, dont parlait Mathilde à l'instant, puisque effectivement, en cas d'éruption solaire massive, notre astre balance dans l'espace des quantités massives de particules ionisées qui peuvent être extraordinairement dangereuses pour très, très cancérogènes pour les astronautes. Il y a eu le cas dans les années 70. En 72, on parle de l'exemple de la mission Apollo 17 qui est partie juste après que soit survenue une éruption massive. Et si les astronautes avaient été sur la Lune à ce moment-là, puisque c'est l'époque Apollo où on allait sur la Lune, eh ben les astronautes auraient été vraiment en grand danger. Pierre, une question peut-être. Un peu naïf probablement, mais moi je me demande si ça, si ces cycles solaires pourraient avoir un impact sur les prévisions pessimistes ou optimistes sur les changements climatiques sur notre planète. Il semble que non. Enfin, c'est pas la prévision qui aurait un effet différent sur le réchauffement climatique, mais disons que l'activité même du soleil a un effet qui est jugé comme très minime. D'accord. Néanmoins, jusqu'à présent, dans les rapports du GIEC, qui, comme on le sait, travaille à ses estimations pour quantifier le nombre de degrés supplémentaires auxquels sera soumis la Terre en 2100, par exemple, l'effet du soleil n'avait pas été intégré. Il le sera dans le prochain rapport du GIEC. D'accord. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et avant de passer aux derniers sujets, sont évidemment, comme le fait remarquer à juste titre Mathilde Fontaine, des élections de masse coronale et non pas coronarienne, qui n'ont rien à voir donc avec le cholestérol et la circulation sanguine. Merci Nicolas Martin, bravo, c'est la fin de la semaine, il est temps de se reposer un peu, la semaine a été longue. Bref, passons donc au dernier sujet de cette table ronde. Inviter Pierre Carner, comme toujours, à la méthode scientifique, c'est non seulement prendre le risque de repartir avec une parasitose étrange qui va mettre en échec de diagnostic votre médecin traitant pour une période de plusieurs mois, ce qui m'est arrivé, mais c'est aussi découvrir de nouveaux organismes dont vous ne suspectiez pas l'existence. Souvent, ces organismes ont des propriétés qui vous coupent l'appétit pour une heure ou deux. Heureusement, Pierre, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ouais. Avec ses coanoflagellés. J'étais particulièrement sage. Alors, les coanoflagellés, il faut, pour comprendre l'intérêt de discuter aujourd'hui, nous sommes des animaux, nous appartenons à une lignée d'organismes multicellulaires, et il y en a d'autres, les plantes, les champignons, certaines algues, et pourtant, le titre de cousin le plus proche des animaux est tenu par une lignée d'êtres vivants unicellulaires, les coanoflagellés. Et c'est une photo d'une jolie grappe de coanoflagellés qui a été signée par Thibaut Brunet et qui a fait la couverture du journal Science ce 18 octobre. Et c'est dans un article justement dans la parution de ce journal Science que sont traités ces mystérieux organismes. Mais avant de parler, peut-être que je vais essayer de vous décrire ce que sont des coanoflagellés. C'est la question à laquelle nous attendons la réponse depuis maintenant 45 minutes, Pierre. Tout à fait. Alors ce sont des organismes microscopiques aquatiques, unicellulaires, mais qui peuvent vivre indépendamment ou en groupe en formant des colonies. Ils doivent leur nom à deux structures qui les caractérisent, à commencer par une sorte de collerette. D'ailleurs, collerette en grec, ça veut dire, ça se dit quanos, et ou ça veut dire collerette ou entonnoir. Et un flagelle, c'est une sorte de fouet cellulaire qui sert souvent à la locomotion, comme on peut le retrouver par exemple chez les spermatozoïdes. D'ailleurs, si vous voulez avoir une image mentale de ce qu'est un quanoflagellé, vous prenez un spermatozoïde, vous lui mettez une collerette de la Renaissance dirigée vers le flagelle, et voilà, vous avez un quanoflagellé. Et on n'est pas déçu du voyage, on va vous mettre des photos sur le fil Twitter de l'émission. Merci Pierre pour cette image mentale. Peut-être la deuxième question que vous vous posez maintenant, une fois que vous avez le portrait robot de ce que c'est qu'un quanoflagellé, c'est pourquoi ils sont intéressants. Eh bien, malgré la simplicité de leur apparence, les quanoflagellés sont devenus des stars dans les laboratoires, notamment des laboratoires évolutifs, du fait de leur cousinage avec les animaux. Faire des études sur les quanoflagellés, c'est un peu faire des études sur les chimpanzés pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans notre lignée à nous, humains. Alors, l'étude qui est parue dans Science, elle vient d'une équipe qui faisait un inventaire de la biodiversité sur l'île caribéenne de Curaçao, une équipe de recherche de l'université californienne de Berkeley, et elle a découvert une colonie de quanoflagellés dont ils n'arrivaient pas à identifier l'espèce. L'équipe de biologistes, qui est dirigée par Nicole King, est à vrai dire spécialisée dans les quanoflagellés, donc elle était en recherche de nouvelles espèces de ces étranges créatures. Et il s'est avéré, après une batterie de tests moléculaires, qu'il s'agissait bel et bien d'une nouvelle espèce qui s'organise en colonies d'individus. Et collectivement, ils forment spontanément des cuvettes de près de 100 individus qui sont répartis uniformément en une couche unique de cellules. Et les flagelles de chaque individu battent à l'unisson pour pouvoir permettre un flux d'eau permettant de récolter des particules alimentaires dans leur collerette. Ils justement. Vont se mettre dans la collerette. Voilà, exactement. Encore une fois. Garde-manger, comme d'ailleurs les fraises à la Renaissance servaient de garde-manger, comme chacun sait. Ah bon, je ne savais pas. Maintenant, j'ai une image mentale particulièrement dégueulasse. Dites donc, c'est vous qui me dites ça. Bon, allez. Alors, ce qui a frappé l'équipe de Nicole King, c'est qu'en observant cette nouvelle espèce, ils ont remarqué que spontanément, les colonies de cette nouvelle espèce pouvaient brusquement se retourner comme des chaussettes et donc présenter leur flagelle non pas vers l'intérieur de la cuvette mais vers l'extérieur pendant quelques minutes avant que la colonie rétablisse sa forme d'origine. Alors moi, quand j'ai vu les images, les petites vidéos, ça m'a tout de suite fait penser à un jouet de mon enfance. Je ne sais pas si vous partagez ce même jouet qui faisait fureur dans les récrés et justement les écoles de ma génération. Ce sont les puces sauteuses, ces sortes de petites pastilles de caoutchouc qu'on appuyait et qui se retournaient brusquement en faisant des bonds. Ah oui, mais si, je me souviens de ça, effectivement. Ben voilà. Moi, je pensais que j'étais trop vieux. Non, Mathilde, mais évidemment, je suis antédiluvien par rapport à vous, Pierre. Mais pas du tout. Par exemple, on partage les mêmes jouets. Donc, l'équipe de Berkeley, elle a pas du tout fait... elle a fait fi de cette ressemblance, justement, évidente, et elle a préféré donner le nom de Quanoica flexa à cette nouvelle espèce, en référence à l'apparente flexibilité de ses colonies. Alors, ce retournement de colonies de flagellés, elle a fournit l'inspiration pour une nouvelle espèce, mais elle permet de aussi comprendre des choses particulièrement intéressantes qui sont les mouvements cellulaires coordonnés. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ces mouvements coordonnés de cellules, c'est essentiel pour le fonctionnement des animaux. Quand votre cœur bat, quand vous fléchissez des muscles, lorsque vous écoutez ma chronique et que vous froncez les sourcils, vous faites justement appel à des mouvements coordonnés de cellules. On a tous commencé notre embryogenèse en faisant des mouvements coordonnés des cellules, et donc lorsqu'on observe ce genre de choses dans des colonies d'organismes unicellulaires, ça permet d'interroger la possibilité que ce soit quelque chose d'ancestral. Pourquoi l'embryogenèse ? Alors l'embryogenèse, c'est tout simplement des mouvements coordonnés qui permettent d'ajuster des tissus embryonnaires les uns par rapport aux autres. Par exemple, la formation de la cavité gastrale, elle vient du fait du creusement de l'embryon par des mouvements cellulaires coordonnés. Donc, ce que propose l'équipe de recherche californienne, c'est de trouver les pistes de l'histoire évolutive des mouvements tissulaires des animaux en étudiant minutieusement les mécanismes en vigueur chez ces colonies de quanoflagellés. Alors d'abord, ils ont essayé de comprendre pourquoi et comment se faisaient ces mouvements d'inversion. Alors il s'avère que cette inversion de colonie de quanoflagellés, elle a lieu en absence de lumière. Donc lorsque la colonie est plongée dans le noir, spontanément, elle va se renverser, les flagelles battus vers l'extérieur, et ça leur permet d'être beaucoup plus mobiles. En fait, avec les flagelles à l'extérieur, ils sont capables de se déplacer. Ça, c'est très très impressionnant. Vous pouvez voir des petites vidéos de reconstitution justement de... On va évidemment vous poster sur le fil Twitter de l'émission. Voilà. Et lorsqu'elles reprennent leur forme à l'intérieur, avec une cuvette dans laquelle les flagelles sont tiré vers l'intérieur de la cuvette, eh bien ça c'est beaucoup plus propice à l'alimentation. Donc on a deux fonctions, l'alimentation et le mouvement. Et ce que propose cette équipe de Berkeley, c'est d'une part d'expliquer que c'est probablement une lutte contre la prédation qui octroie cette... en gros, l'ombre d'un prédateur ferait activer ce système et permettrait justement à ces colonies de coenoflagellés de fuir et d'éviter d'être mangées. Et lorsque la lumière est revenue, eh bien, de se poser et de continuer à s'alimenter. Ça, c'est pour le fonctionnement écologique. Maintenant, qu'en est-il du fonctionnement moléculaire? D'une part, cette équipe a mis en évidence quelles étaient les molécules qui, à l'intérieur de ces individus, permettaient d'être sensibles à la lumière. Pendant longtemps, on pensait que les coenoflagellés n'étaient pas sensibles à la lumière, et bien il s'avère qu'ils le sont, et que, un peu comme nous, humains, ils ont besoin de carotène. Donc ils doivent manger des bactéries riches en carotène pour pouvoir avoir cette protéine leur permettant d'être sensibles à la lumière. Cette protéine, elle est sensible à la caféine. Donc ce qu'ils ont fait pour pouvoir montrer le rôle de cette protéine, c'est qu'ils ont injecté de la caféine dans ces colonies pour pouvoir voir une inversion spontanée en présence de lumière. Et enfin, ce qui était le plus important, c'est qu'ils ont mis en évidence les caractéristiques moléculaires des mouvements coordonnés des cellules. Et là, c'est le choc, c'est exactement les mêmes types moléculaires qui sont en vigueur lorsque les animaux forment ces mouvements cellulaires, que ce soit dans votre cœur, que ce soit dans vos tissus et pendant l'embryogenèse. Donc là, on a bel et bien une piste plausible permettant de comprendre que les mouvements cellulaires coordonnés était déjà présent chez l'ancêtre des organismes avant l'émergence des animaux. Donc voilà, ça c'est la conclusion. Et ce que je trouve fascinant, c'est surtout à quel point cette étude dépend de la curiosité de l'équipe de Nicole King, qui, avec bien d'autres, s'attache à caractériser la biodiversité de notre planète. En faisant cette recherche de la biodiversité, ils obtiennent dans une flaque d'eau d'une île carabienne des pistes permettant de complètement remettre à jour nos connaissances et un peu de les retourner. Voilà. On s'est placé, c'est quoi les flagellés sur l'arbre phylogénétique vivant? Bah justement, ce sont les cousins des animaux. C'est-à-dire que les animaux, ça forme le groupe, le nom qu'on leur donne, ce sont les métazoaires. Voilà, à l'intérieur, on a les éponges, les méduses, et bien entendu les organismes à symétrie bilatérale auxquels nous faisons partie. Eh bien, les plus proches cousins, ce sont les coenoflagellés. Bien voilà, mission accomplie, Pierre Carnard, maintenant, vous l'avez promis, vous savez ce que sont les coenoflagellés. Ce sont nos plus proches cousins, et vous allez pouvoir donc maintenant enrichir votre conversation autour du déjeuner dominical sur les coenoflagellés. Merci beaucoup Pierre Carnard. Donc comme prévu, mission accomplie, vous savez désormais ce que sont ces coenoflagellés et vous allez pouvoir enrichir vos conversations tout au long du week-end grâce à Pierre Carnard et moi je vais pouvoir repartir sans parasitose. Merci beaucoup à tous les trois. Olivier Lascar à la une de Science et Avenir, ce mois-ci. Alors ce que la science sait de la mort, c'est le numéro de Toussaint. Et puis hashtag science. Hashtag science qui sort le 7 novembre avec un article très gonzo journalisme puisqu'on a adopté un blob à la rédaction, on l'a élevé parmi les journalistes de Science et Avenir et... Ça donne lieu à plein de choses très étonnantes qui seront racontées dans l'article. À la une de Science et Vie, Mathilde. Les arbres, ils peuvent nous sauver. Eh bien, et Pierre Carnard, est-ce que Pierre Carnard peut nous sauver? Eh bien, le 6 novembre, je vous propose de faire un bond dans la biodiversité avec la sortie d'un livre dans lequel j'ai participé avec Patrick Beau, qui l'a déjà d'ailleurs annoncé, qui s'appelle Nature Secrète, aux éditions Dunod. Eh bien, on ne manquera pas la sortie de ce livre et on vous signalera le jour de sa sortie. Petite note de rappel sur notre fil Twitter notamment. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Émilie Vala à la réalisation, Bernard Laniel à la technique. La semaine prochaine dans le labo de la méthode scientifique, lundi nous parlerons d'échappement thérapeutique, mardi du milieu interstellaire, mercredi du handicap et de ce que peut faire l'intelligence artificielle, jeudi nous raconterons l'histoire de Freud mais de ses apports à la neurologie et à la psychiatrie, et vendredi bien nous serons en direct du festival Les Utopiales à Nantes. Nous ferons une table ronde autour de la hard SF, jusqu'où peut-on pousser le bouchon de la vraisemblance scientifique et de la complexité scientifique. Science-fiction, plus c'est hard, plus c'est bon, ce sera vendredi prochain en direct des Utopiales. Demain à 16h, c'est la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. On se retrouve lundi jusqu'à preuve du contraire.